allait dans la nuit sombre. Chaque soir il sortait de l'ombre pour offrir un peu d'amitié aux pauvres types, aux oubliés. Faut dire qu'il n'avait peur de rien, le vieux Sébastien. Il était devenu le copain des durs, des pauvres et des vauriens. Pour une seule main serrée, pour un petit peu d'humanité, faut dire qu'il les comprenait bien, le vieux Sébastien. Il leur disait que la vie, c'était pas l'enfer, pas le paradis. C'était pas grand chose, tu vois, mais ça redonnait de l'espoir quelquefois. Il leur parlait de tout, de rien, sans jamais guider leur chemin. Il n'était pas là en prophète, il n'en avait même pas la tête. Les coups c'était pas son destin, au vieux Sébastien. Il leur disait que la vie, c'était pas l'enfer, pas le paradis. C'était pas grand chose, tu vois, mais ça redonnait de l'espoir quelquefois. Quand il avait refait le monde pour un instant, une seconde, doucement il rentrait chez lui, sans jamais faire le moindre bruit. Faut dire que c'était quelqu'un de bien, le vieux Sébastien. Quand il fait noir sur ma vie, il m'arrive de penser à lui. Ce n'est pas grand chose, tu vois, mais ça me redonne de l'espoir quelquefois.